de toi jolie et de mec musclé que pour rien. J'aurais pu vous dire que la vie ne peut être pire, mais soulagé de ta cupidité, loin de moi tous tes affronts. Qui s'étendent